que sa grand-mère a été tuée par deux étrangers assistés. Retrouver sa voiture brûlée, apprendre que sa fille fut violée, que sa grand-mère a été tuée par deux étrangers assistés. Insécurité, terreur anti-française. Insécurité, ennemi de la France. Insécurité, terreur anti-française. Insécurité, ennemi de la France. Découvrir son église brûlée, enterrer son fils égorgé, avec son grand-père écrasé par deux immigrés assistés. Découvrir son église brûlée, enterrer son fils égorgé, avec son grand-père écrasé par deux immigrés assistés. Insécurité, terreur anti-française. Insécurité, ennemi de la France. Insécurité, terreur anti-française. Insécurité, ennemi de la France.